Il faut tout effacer, tous ces moments inachevés. Il faut tout oublier, tout ce qu'on a pu partager. Il faut tout effacer, envoler tous ces moments passés. Il faut tout oublier. Il faut tout oublier, toutes nos années passées. Il faut tout effacer. Oh, oh, oh. J'ai mal de t'aimer, si mal d'y repenser. Nous serions nous trompés, oh bébé. Mes larmes et mon cœur y sont restés. Au diable l'espoir qui m'anime. Années pour mériter ça.